au-dessus des cimes. J'ai peur que tu ne t'abîmes. Tu vas si loin de moi. Vol au-dessus des cimes. J'ai peur que tu ne t'abîmes. Tu vas si loin de moi. C'est la vie qui nous guide, reste avec moi. Ton visage se dessine dans le ciel, illumine ma vie avec toi. Plane de jour en jour le bonheur du retour quand on rentre chez toi. Si on fait l'amour, quelquefois tous les jours, tu me manques déjà. Jamais je ne baisse les bras, te perdre, je ne le veux pas, tu es tout pour moi. Fini les histoires obscures qui troublent ma vie, c'est sûr, non, juste toi et moi. Au-dessus des cieux, toi qui es si habile, toi. Au-dessus des cieux, l'amour avec toi. Dans tes bras. Au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux, toi qui es si habile, toi. Au-dessus des cieux, l'amour avec toi. Dans tes bras. Au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux.